connais notre morceau. Dans le regard qui tue, Chiquita, cheveux longs. Pas de tourner de gauche à droite. à côté d'elle, sans se taire. Elle y pense dans son lit, le soir entre ses lèvres roses. Elle est malade, plus que tout le monde. C'est beau comme elle aime, elle aime. Ses désirs, la groupie du pianiste, la groupie du pianiste, c'est pour la vie d'artiste, la groupie du pianiste, elle est malade, c'est fou comme elle, c'est beau comme elle. Qu'est-ce qu'elle aurait bien pu Thank you.